France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Georges Carpentier, boxeur français, star international. Premier français champion du monde. Il a été au début du XXe siècle l'idole de tout un peuple et une célébrité mondiale comme rarement la France n'en a connu. D'autant que sa vie épouse les soubresauts les plus romanesques. Popularité et mondanité, talent et héroïsme, apogée et chute. Autant de motifs qui nous plongent également dans un contexte. Celui de la belle époque et de la Première Guerre mondiale, de l'émergence d'un sport, la boxe, et d'un art, le cinéma. Du développement des médias également et des communications qui annoncent le siècle de la vitesse et de la modernité qui arrive. Précurseur du sport-spectacle, Pipo jusqu'au bout des ongles et des gants, Carpentier jouera même son propre rôle dans un film biographique. C'est le mythe Carpentier. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Algéras, docteur en histoire contemporaine, auteur d'une riche et passionnante biographie intitulée « Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star », livre publié au Nouveau Monde Édition en 2021. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, en partenariat aujourd'hui avec le journal L'Équipe. Récit documentaire, Simon Maisonob. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Hélène Bizion. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. Messieurs, j'ai le redoutable honneur de vous présenter Georges Carpentier. Mais en réalité, on ne présente pas Georges Carpentier. D'ailleurs, Georges Carpentier est connu dans le monde entier. Encore aujourd'hui, il peut aller dans toutes les parties de ce vaste monde et quand il dira Georges Carpentier, on saura qu'il s'agit du boxeur français qui fut si connu toujours et encore. Georges est avant tout un gars de Schnorr. Et il ne l'a pas oublié. Je suis allé dans tous les pays du monde, mais j'ai toujours conservé cet esprit du Nord, cet esprit loyal. Car au fond, nous ne savons peut-être pas, mais nous sommes tous des braves. Et voilà pourquoi quand on me demande d'où je suis dans les pays étrangers, je dis du Nord de la France. Et je le dis avec fierté. Comme souvent dans les contes et légendes, tout commence par le hasard. En l'occurrence, le hasard d'une rencontre. Et vu qu'il s'agit d'une histoire de boxe, celle-ci a lieu au cours d'une bagarre. Un jour de 1904, dans les rues de Lens, dans le Nord donc, et Pas-de-Calais même plus précisément, une échauffourée éclate entre deux bandes rivales. Un minot d'à peine 10 ans, qui ne paye pas de mine, avec son corps fluet et son visage d'ange, remportant coup pour coup à son adversaire beaucoup plus grand et plus costaud que lui. Ce minot, c'est le jeune Carpentier, originaire de Liévin, la ville d'à côté. Il est connu pour son caractère bien trempé et son allant pour la castagne. Les deux garçons sont rapidement séparés par un jeune homme qui passe par là. 29 ans, silhouette trapue, accent du Nord, il répond au nom de François Descamps. Descamps m'a demandé, mais comment t'appelles-tu ? Ben, je n'osais pas lui dire qui j'étais, je croyais que c'était un homme qui allait me faire mal. J'avais 8 ans probablement. Et il m'a dit, est-ce que ça t'amuserait de faire de la boxe ? Oh, je savais pas ce que c'était de la boxe à ce moment-là. J'ai dit, à tout hasard, oui. Il m'a dit, voilà, je m'appelle Descamps, je suis le professeur de gymnastique à la régénératrice de Lens. Viens me voir et puis je t'expliquerai comment on fait de la boxe. François Descamps est-il intervenu par simple civisme ou a-t-il vu les aptitudes du jeune garçon ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Georges Carpentier accepte sa proposition et découvre la boxe française, aussi appelée sabate, pour laquelle il se montre plutôt doué. Ça se voit notamment au cours des événements organisés le week-end par François Descamps dans les différentes salles de la région. D'emblée, les débuts de la boxe oscillent entre le sport et le spectacle. Les événements organisés tiennent autant de la compétition sportive que de la démonstration publique. D'ailleurs, à l'issue des représentations, on demande une participation financière à l'assistance. Ça rapporte quelques sous, et bientôt, François Descamps propose à la famille de Georges Carpentier que leur jeune garçon s'y consacre pleinement en échange de la garantie de ce petit salaire. À partir de là, tout va très vite. Georges Carpentier enchaîne ses premiers combats et en 1908, à 14 ans, il devient champion de boxe française à Paris. Il est accueilli en héros par 3000 personnes à la gare de Lens. En à peine 4 ans, l'ado s'est fait un nom et François Descamps lui propose un nouveau défi, passer à la boxe anglaise et devenir professionnel. Quelques années seulement après leur rencontre, Carpentier et Descamps entament leur destinée commune qui les unira pendant de longues années sans jamais se séparer. Une destinée au cours de laquelle Georges Carpentier devient champion du monde de boxe et l'une des plus grandes célébrités françaises. Retour en quelques combats, comme autant de moments charnières sur cette vie sportive hors du commun. J'ai toujours été un enfant cloîtré dans ma jeunesse. J'avais un manager qui me mettait, je ne dirais pas la corde au cou, mais presque. Il me maintenait comme un enfant de 10 ans. Il n'avait le droit de faire aucun effort, aucun excédent en dehors du métier. Et j'ai mené une vie d'enfer pendant quelques années. Et il faut l'amener si on veut arriver à un résultat. Sinon, vous n'arriverez jamais à faire un grand champion. 10 novembre 1908, Maison Lafitte, département des Yvelines. Au Café de Paris, une centaine de spectateurs est réunie pour assister à un match de boxe. Un jeune Anglais du nom de Salmon a lancé quelques jours plus tôt un défi aux jeunes boxeurs français, qu'ils viennent donc se battre. Georges Carpentier et François Descamps ont évidemment accepté, parce que voilà une belle entrée en matière. Un premier match de boxe anglaise contre un enfant du pays, excellent combo. D'ailleurs, le combat est équilibré. Salmon se montre puissant et rapide, mais Georges Carpentier ne cède pas. Il tient le coup. À la 10e reprise, l'arbitre arrête le combat et disqualifie l'Anglais. Une revanche est fixée quelques semaines plus tard. Et cette fois, Salmon remporte le combat. Mais Carpentier fait preuve d'une incroyable résistance. Et surtout, il empoche 100 francs. Il faut imaginer ce que se représente cette somme pour l'enfant des corons, qui connaît le salaire à la journée des forçats de la mine. Descamps se lance donc dans le métier d'entraîneur-manager. Ensemble, avec Carpentier, il court les combats. Il suffit parfois de quelques chiffres. En voici un. Entre 1908 et 1910, Georges Carpentier aligne 38 combats professionnels. Ça fait plus d'un par mois, à 15 ans. Qui plus est, dans un sport qui n'a pas encore établi ses règles actuelles, plus protectrices pour les combattants. Les gants sont plus fins, donc les coups portent plus durement. Les combats durent 20 rounds, et parfois seul le chaos ou l'abandon fait office de verdict pour désigner le vainqueur. Oui, Georges Carpentier est un phénomène de précocité. Et dès ses débuts, s'affirme ce qui fera le style Carpentier. Plus jeune que ses adversaires, il est souvent plus fin et plus léger qu'eux. Il construit donc sa boxe sur la vitesse, sur la précision. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de force, il a même une sacrée droite. Mais il va toujours chercher le geste juste, comme le raconte le journaliste sportif Jacques Godet, témoin de ses débuts. Il avait ce qu'on appelle le punch, mais le vrai punch. Pas cette force brutale qu'on a connue à l'autre boxeur, qui arrivait à battre un adversaire en l'assommant. Lui, il était comme, je le répète, un matador qui avait une épée à la main. Et c'était la percussion du coup qui abattait l'adversaire. Par la vitesse avec laquelle le coup était donné, par la précision avec laquelle le coup est donné, parce qu'il s'agit de toucher au bon endroit. Et puis parce que Georges Carpentier donnait son coup avec un timing extraordinaire. C'est-à-dire qu'il donnait au moment où l'adversaire était porté vers le coup et non pas le refusait. C'était ça que Georges Carpentier, avec, je le répète, cette élégance d'allure, cette beauté plastique qui était la sienne et ce beau visage qu'il a toujours conservé. Le 10 juin 1911, Georges Carpentier remporte le titre de champion de France des mi-lourds contre Robert Eustache. Le combat a lieu au Wonderland, installé dans le Cirque de Paris. Fondé par l'entrepreneur Théodore Vienne et le journaliste Victor Breyer, ce lieu incarne à lui seul l'engouement et le dynamisme pour la boxe dans le Paris de la Belle Époque. La simplicité du face-à-face, ce mélange de violence et d'esquive, ce ring à la fois scène et arène, tout cela participe à la fascination et à l'essor pour la boxe. L'Élysée-Montmartre, la Salvagram, le Casino de Paris, ce sont ces lieux de music hall et des cafés-concerts qui accueillent et lancent la mode de la boxe dans la capitale française. Tristan Bernard, Maurice Chevalier, collègue du Noyer de Ségonzac, Louis Renault, écrivains, comédiens, peintres ou grands industriels, le Paris mondain et festif se prend de passion pour ce sport-spectacle et suit de près le parcours du jeune Carpentier. la boxe est de plus en plus en faveur à Paris. C'est là que s'organisent la plupart des grands matchs. Il ne dépend plus que de nous de la faire consacrer définitivement capitale de la boxe. Les fervents du noble art auraient plaisir à lire sur les plaques indicatrices « champ de match » au lieu de « champ de Mars » ou encore « rond-point des Champs-Élysées ». Mais il y a d'autres façons de manifester en l'honneur de la boxe. Les Parisiens pourraient demander à leurs députés de ne plus se chamailler puérilement lors des discussions orageuses, mais plutôt de monter à la tribune et de s'expliquer en quelques rounds. Avec un pareil système, les séances du Palais Bourbon seraient aussi suivies que des galas du Cirque Métropole. Ainsi va la rencontre entre Georges Carpentier et la boxe. Ils se sont trouvés au bon moment. D'un côté, le jeune garçon se lance dans un sport en plein essor, on l'a dit. De l'autre, le phénomène Carpentier va bientôt lui aussi apporter cet engouement pour le noble art. S'il lui arrive de perdre des combats, les premières années de Carpentier sont quand même très souvent victorieuses et frappent les imaginaires par cette capacité du jeune boxeur à gagner contre plus lourd et plus grand que lui. Après s'être fait un nom en France et à Paris, bientôt les yeux du duo Carpentier-Descamps se tournent vers la terre-mère de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre. Le 23 octobre 1911, dans la grande salle de Londres de King's Hall, l'ambiance est surchauffée. Georges Carpentier fait face au champion d'Europe des mi-moyens, le Britannique Young Joseph. Le gong retentit. Le Frenchie imprime d'emblée ce qui fait sa marque de fabrique, la rapidité. Oui, il se déplace vite, bouge bien, gêne la lecture de son adversaire par des feintes et des contre-feintes. Et quand il faut frapper, il enclenche, droite, gauche. L'Anglais touche 9 fois le sol. Et à la 10e reprise, l'arbitre le déclare KO. À 17 ans, Georges Carpentier est champion d'Europe des poids moyens. Et avec cette victoire, bien sûr, il change de dimension. D'abord, parce que son talent vient de dépasser les frontières nationales. Ensuite, parce qu'il vient de battre un champion anglais. Pensez donc, l'Angleterre, la perfide Albion, l'ennemi historique. Il faut imaginer ce jeune Lensois qui détruit le champion anglais chez lui, à Londres. Waterloo et Napoléon, des faits, ne sont qu'un lointain souvenir. En ce début de XXe siècle, la boxe devient aussi l'un de ces lieux où s'exacerbent les nationalismes de l'époque. Trois ans après son arrivée à la gare de Lens, c'est cette fois à la gare du Nord, en plein Paris, que Georges Carpentier est accueilli par une foule de 4000 personnes. Et surtout, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Car à la prochaine étape, il y a le titre mondial à décrocher. Ainsi, quelques mois seulement après son combat contre Young Joseph, dans un cirque de Paris rempli de 6000 personnes, il enchaîne avec l'Américain Harry Lewis, ancien champion du monde des Walter, nouvelle victoire. On propose ensuite à Descamps et Carpentier un combat contre Jim Sullivan pour le titre de champion d'Europe des poids moyens. Cette fois, le match a lieu à Monaco, le 29 février 1912, 5000 personnes dans l'enceinte, 3000 à l'extérieur qui n'ont pas trouvé de place, et tout ça pour un combat très court. Après un premier round hésitant, au second, Georges Carpentier envoie une puissante droite qui fait tomber Jim Sullivan. Et l'Anglais ne se relève pas. Alors la Marseillaise est lancée, Carpentier est porté en triomphe. Quelques mois plus tard, il bat l'autre grand champion français, Marcel Moreau, et se pose définitivement comme le champion de l'Hexagone. Le chanteur et comédien Maurice Chevalier, grand ami de Georges Carpentier, se souvient. Dès l'âge de 16 ans, on peut dire que Georges est entré dans la grande gloire, parce que après ça, à 17 ans, il a été champion d'Europe poids welter, en battant un Anglais qui était excessivement bon. Après ça, il a battu le poids moyen Sullivan, par knockout d'une manière extraordinaire, et Georges a été tout d'un coup le demi-dieu de toute la jeunesse de cette époque-là. 1er juin 1913, Gand, la ville belge, accueille l'exposition universelle. Théodore Vienne du Vanderland en profite pour y organiser le combat que tout le monde attend, celui qui déterminera enfin la suprématie sur le continent et le vainqueur de la rivalité anglo-française à Gand, Gand de boxe. L'affiche Carpentier contre Bombardier Wells, le champion d'Europe des poids lourds, qui visiblement fait forte impression aux boxeurs français. C'est oui. Un combat que je n'oublierai jamais, celui-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand j'ai vu ce monstre de boxeur. Enfin, quand je dis monstre, je veux dire la... Sa taille, son poids. Et que j'avais devant moi un gros poids moyen, un réel poids lourd, ben, ça m'a fait un effet assez désagréable au départ. Les 25 000 spectateurs assistent dans la salle des fêtes de Gand à ce duel. Et le public est serré autour du ring. C'est parti. Face à face, forcément deux stratégies. Carpentier décide de jouer l'offensive en vitesse et en esquive. Au centre, Bombardier, solide comme un roc, attend le bon moment. Et à la 50e seconde, il contre avec la droite de Carpentier. Le Français s'effondre d'un coup. Je crois que le départ a été dur pour toi. Le départ a été très dur, car au deuxième round, il m'a raccroché et m'a mis down. Il m'a mis par terre pendant 8 ou 9 secondes. Je me suis relevé et je me suis représenté devant lui, frais comme une rose. Pourtant, Carpentier se relève et de rage parvient enfin à envoyer une droite qui touche sa cible. Bombardier sonnait. À la troisième reprise, le Français applique une nouvelle stratégie. Et comment tu es parvenu à l'avoir ? Il avait très faible à l'estomac. Alors je me suis dit, voilà l'endroit où il faut frapper. Alors le quatrième round arrive, je m'élance sur lui, lui frappant à la mâchoire, il se bloque la mâchoire, et immédiatement, je vais à l'estomac. Et l'homme s'est écroulé pour le compte. Quatrième reprise, l'Anglais désorienté. Alors Carpentier en profite, il continue son corps à corps. On le voit au visage de Bombardier Wells, les coups sont durs, difficiles à encaisser. À un moment, d'un geste rapide, le Français met un peu de distance et place un coup en plein cœur. Séché, Bombardier s'effondre. Carpentier l'a fait, il vient de battre la montagne Bombardier Wells. Incroyable, le public est en feu. Le lendemain, les titres consacrent le nouveau héros de la boxe européenne. Quelques jours plus tard, Carpentier se rend à Londres. Il est accueilli par 10 000 Anglais à la gare de Charing Cross. 10 000 Anglais pour un Français, rendez-vous compte. Rapidement, l'idée d'une revanche se dessine. Le 8 décembre, cette fois à Londres, sur les terres de Bombardier, on retrouve le duel. Dans la salle, 1200 Happy Few, essentiellement de la noblesse londonienne. Personne ne tient en place. La pression est énorme. Le combat va commencer. Un silence s'installe. Mouvement de Carpentier pour esquiver la garde de Bombardier. Frappe lourde de sa droite. Enchaînement avec un direct du gauche en plein visage. Bombardier est en sang. L'arbitre interrompt le match. Reprise. Carpentier part en corps à corps, serré. Il envoie un rapide crochet à son adversaire en pleine mâchoire. Bombardier s'effondre. KO. 77 secondes. Le mythe Carpentier est en marche. Je me souviens toujours que les matchs de Carpentier à Londres se déroulaient très très vite. Il y avait un tas d'histoires qu'on racontait à ce propos, notamment l'histoire du monsieur qui arrive, qui veut donner son pourboire à l'ouvreuse, qui donne le programme et qui, au moment où il s'assied, on lui dit c'est trop tard, l'autre en avait déjà compté 10, le match était fini. En général, de cette façon-là que ça s'est passé, il fallait arriver très tôt, parce qu'autrement... Et son succès et sa popularité en Angleterre étaient d'autant plus grands qu'il avait liquidé, littéralement, la totalité des champions d'Angleterre en quelques minutes ou en quelques secondes. Et quand George boxait à Londres, je dois dire que toute la publicité, tu t'en souviens, était taxée sur George. Il n'y avait pas des affiches monumentales disant Carpentier contre X. Moi, j'ai vu sur les bus, c'est-à-dire sur les autobus de Londres, vous l'avez bien compris, sur les bus de Londres, ce soir, Carpentier, Olympia, ou ce soir, Tonight, Carpentier, Alberto Londres. On ne parlait même pas de l'adversaire, et on avait raison, puisqu'il n'y avait qu'un homme dans le ring, d'ailleurs. Voilà. Après les souvenirs de ce journaliste, voici le photographe qui saisit le moment. Et l'image est figée pour l'éternité. Au sol, en short noir, l'Anglais est effondré, inerte, vaincu. Toujours en garde, le Français lui se tient debout, regarde son adversaire, le corps élancé, le visage finement dessiné, l'élégance en mouvement. Mais au-delà des victoires, pour écrire une légende, il faut des exploits. Ce 8 décembre 1913, à Londres, Georges Carpentier écrit une ligne essentielle de sa destinée. En quelques années, il est devenu une icône, dans un monde qui pose les premiers jalons d'une modernité médiatique. Il publie deux autobiographies, il fait la une des journaux, s'invite en publicité sur des produits commerciaux, ses matchs sont filmés par les frères Pathé, il joue dans un film qui lui est dédié, le roman de Georges Carpentier, premier biopic sportif de l'histoire, et il se voit édifier une statue à son effigie. Bref, tout va bien. La vie est parfois un rêve, plus fort que tout déterminisme social. Mais en 1914, un terrifiant coup d'arrêt interrompt son irrésistible ascension, c'est la Grande Guerre. Pourquoi, madame, regrettez-vous l'avril qui fut si doux ? Pourquoi, monsieur, cet air guindé, ce ton réfrigéré ? Détentez-vous un tout petit peu heureux, celui qui veut. Nous avons tous une usine en plein cœur qui forge du bonheur. On s'éveille en fredonnant une chanson, c'est que ça va, ça va, ça va. Il y a du soleil qui pointe à l'horizon, c'est que ça va, ça va, ça va. Ce petit refrain devient une obsession, c'est que ça va, ça va, ça va. Et dans la rue tout le monde chante cet air-là, c'est que ça va bien comme ça. Souci d'argent, chagrin d'amour ne dure pas toujours. Pourquoi voir la vie à l'envers et en faire un enfer? Exigez trop, discutez tout, on n'en voit pas le bout. Il y a des oiseaux dans le parc, mon souris, qui se moquent de vos ennuis. On s'éveille en fredonnant une chanson, c'est que ça va, ça va, ça va. Il y a du soleil qui pointe à l'horizon, c'est que ça va, ça va, ça va. Ce petit refrain devient une obsession, c'est que ça va, ça va, ça va. Et dans la rue tout le monde chante cet air-là, c'est que ça va bien comme ça. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, bon, oui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et dans la rue, tout le monde chante cet air-là. C'est que ça va bien comme ça. C'est que ça va bien comme ça. Aujourd'hui, Georges Carpentier. France Inter. Affaires sensibles. Samedi 2 juillet 1921, Jersey City, États-Unis. En ce début d'été, l'air est difficilement respirable. La chaleur, bien sûr. La foule de 80 000 personnes, surtout, qui s'avance en direction de ce flambant neuf Boyle's 30 Acres, l'arène construite spécialement pour l'occasion. 600 journalistes, 800 policiers, et la tension est palpable. Les photographes commencent déjà à mitrailler cette scène impressionnante. Au centre, à Impérial, trône le ring. Tout autour, s'étalent à perte de vue les bancs des spectateurs. En forme de cuvette, le relief s'élève légèrement, donnant à l'ensemble de cette arène des dimensions impressionnantes. Une tour surplombe la foule. Y est installée la caméra qui filme l'événement. Une antenne radio est prévue pour diffuser le match en direct dans tout le pays, une première. D'ailleurs, d'aucuns parlent déjà du combat du siècle. Sur les bords du stade, en alternance, flottent deux drapeaux. D'un côté, la bannière étoilée américaine en l'honneur du champion du monde en titre des poids lourds, Jack Dempsey. De l'autre, le tricolore bleu-blanc-rouge de celui que les Américains ont baptisé l'homme à l'orchidée pour son habitude à porter cette fleur à sa veste. C'est l'idole des Français, Georges Carpentier. À des kilomètres de là, à Paris, l'ambiance, elle aussi, est suffocante. Le journaliste Georges Briquet s'en souvient. Vous savez qu'on avait installé sur la place de la Concorde, sur la façade de l'hôtel Crillon, deux gigantesques silhouettes de carton dans lesquelles il y avait des trous qui permettaient à des lampes électriques de s'allumer. À ce moment-là, les relations avec l'Amérique se faisaient par TSF, pas par téléphonie sans fil, par télégraphie sans fil. Chaque fois qu'un coup était porté par un boxeur, une petite lumière s'allumait sur le corps de l'autre boxeur. On voyait qu'il avait été touché là, à la poitrine, à la tête, au menton, n'importe quoi, enfin qu'il avait été touché. Et dans les rues de Paris, il est impossible de circuler. Et à quoi pense-t-il, Georges Carpentier, à quelques minutes de rejoindre le ring et l'histoire? Parce qu'enfin, Qui aurait pu imaginer, 15 ans plus tôt, qu'un match de boxe suscite une telle excitation et le déploiement de tels moyens? Que lui, le petit gars du Nord, se retrouve sous le feu des projecteurs de l'autre côté de l'Atlantique? Eh bien, sans doute, pense-t-il au bonheur d'être ici après l'enfer qu'a traversé le monde pendant 4 ans d'une guerre terrible. Engagé dans l'aviation, il s'illustre 2 fois, notamment à Verdun, et il est décoré par le président Raymond Poincaré lui-même. L'idole sportive est désormais un héros national. Côté boxe, Carpentier est inactif pendant ces années de guerre, stoppé en pleine ascension, dans la force de l'âge. Alors il reprend là où il s'était arrêté. En 1919, il met KO le nouveau champion anglais en 74 secondes, puis, quelques mois plus tard, à New York déjà, il bat le poids moyen américain Batlin Lewinsky et devient ainsi le premier champion du monde non anglophone de l'histoire. Mais aujourd'hui, il fait face à son plus grand défi, Jack Dempsey. À l'inverse de Georges Carpentier, le champion du monde des poids lourds, lui, souffre d'une mauvaise image. Il est accusé de s'être planqué pendant la guerre. Mais tout de même, le public américain le soutient. Excellent boxeur, un rock plus grand, plus lourd que Carpentier. Il dégage même une puissance immense. Il est 15h15, le gong retentit. Dempsey, 6 feet, 1 inch tall. What? The attendance was Jack Dempsey advancing on George Carpentier. This was the first world championship bout ever broadcast over the radio. Major Andrew White was at the microphone. The referee is Harry Urkel. Tailed way back. Very good boxer. Finisher, Bombardier, Bill Price. Not. D'emblée, deux styles s'affrontent, et le retentissement est énorme, car le match est diffusé à la radio, un événement. Carpentier joue l'offensive, la vitesse. Comme d'habitude, il porte rapidement quelques coups précis, des coups qui font mouche. Alors, Dempsey attend que l'orage passe. Il est en contrôle, bien placé. Et petit à petit, il lance l'offensive à son tour. Il frappe rapidement et durement. Carpentier est touché, le sang coule sur son visage. Quelle puissance, quelle vitesse. Au deuxième round, naturellement, j'ai passé une droite qui l'a touché à la pointe du menton, aussi durement qu'on peut toucher un homme. Je l'ai peut-être touché 1 centimètre trop haut. Car si j'avais touché 1 centimètre près, il est probable qu'il serait resté les 10 secondes. Mais pas du tout, le monsieur a pris le coup de plein fouet au menton, il a reculé contre les cordes, il a secoué sa tête 2 ou 3 fois. À ce moment-là, les 120 000 personnes se sont levées, se sont dit « ça y est, c'est la fin ». Mais pas du tout, M. Dempsey est revenu à la charge, aussi frais qu'au début. Et c'était la fin du round. Et je me suis cassé la main sur ce coup que j'avais touché à la pointe du menton. Au troisième round, la situation s'inverse. Blessé, le Français est désormais sur la défensive. Il évite les coups, fait preuve d'agilité et tente quelques frappes, mais sans relief. La fatigue pointe et la blessure lui fait mal. En face, Dempsey le sent bien. Et il attaque avec vigueur. Et chaque coup fait mal. Carpentier encaisse, mais de plus en plus difficilement. Au quatrième round, l'Américain coince le Français dans les cordes et envoie une série de frappes, puis une puissante droite dans la mâchoire. Carpentier s'effondre. Il se relève, mais tellement difficilement. Dempsey, lui, ne le lâche pas. Et enchaîne, Carpentier retombe. C'est fini. Au quatrième round, il m'a touché assez durement 2 ou 3 fois. Jusqu'au moment où il m'a touché très durement, où je suis allé à terre. Mais j'étais conscient. J'étais complètement fini. Le moral n'y était plus. Je sentais que l'homme était trop fort pour moi. J'ai préféré dire c'est fini. J'étais complètement désarmé moralement, physiquement. J'ai pleuré, Ne faites pas me répéter à ça maintenant, j'en pleurerai encore, oui. La nouvelle traverse l'Atlantique en seulement quelques minutes. Tout un dispositif a été mis en place pour faire connaître le résultat en France au plus vite. Un avion annonce le résultat à l'aide de fumées de couleur et lâche 1 million de tracts pour avertir le public français. Le président de la République exige qu'on lui donne le résultat en priorité. Parce que pour lui, comme pour la France entière, c'est la douche froide. Et le pays sombre dans une profonde tristesse. Mais l'image de Carpentier n'est pas altérée. la blessure, le scénario et l'élégance du français continuent de lui assurer son aura. D'ailleurs, deux mois après sa défaite, 5000 personnes viennent attendre la gare Saint-Lazare pour son retour au pays. Carpentier le sent peut-être au fond de lui. Au-delà de l'occasion manquée, plus jamais il n'atteindra ce sommet. Pire, il ne le sait pas encore, mais les années qui suivent viendront légèrement assombrir sa stature d'idole. Le 24 septembre 1922, à Montrouge, le stade Buffalo flambant neuf est plein comme un neuf. 50 000 personnes attendent le retour de l'idole. Alors, où en est Carpentier depuis sa défaite contre DMC un an plus tôt? Après s'être remis de sa blessure, il s'est rassuré en enchaînant quelques combats en Angleterre. Pourtant, en coulisses, il le sent bien. Il n'y est plus. Non, moins d'envie, moins de défis. Il continue, mais surtout pour l'argent. En France, on lui cherche un adversaire, et depuis quelque temps, un nom revient. Battling Siki. Né à Saint-Louis, au Sénégal, Siki est arrivé en France par Marseille. Et lui aussi a participé à la Grande Guerre parmi les tirailleurs sénégalais. Lui aussi a été décoré. Mais surtout, il affiche un sacré bilan en boxe. Invaincu depuis 2 ans, il en est à 29 victoires sur 29 combats. Carpentier accepte, mais il le sait, ça va pas être simple. Et l'enjeu est de taille, puisqu'il remet son titre mondial des mi-lourds à cette occasion. Et voici que Carpentier se lance à l'attaque. La première ronde donne la teneur. Carpentier attaque, touche et domine. Siki semble dépassé et tombe au sol. Deuxième round, Carpentier est toujours offensif, mais il se découvre presque trop relâché et Siki en profite. Le Sénégalais touche à son tour. Troisième round, contrairement au début de l'affrontement, l'atmosphère change. Comme si le combat commençait vraiment. Siki passe l'offensive. Trop d'ailleurs, il se découvre. Alors Carpentier envoie une droite et son adversaire s'effondre. Celui-ci se relève, mais donne un nouveau rythme. Les coups de Siki sont plus précis, plus forts. Sur l'un d'entre eux, Carpentier est touché durement. Il tombe. Au cinquième round, il a le visage tuméfié, il est à bout de souffle. Il tient, oui, mais à un fil. En face, Siki ne lâche pas, et il enchaîne. Au round suivant, il continue d'enfoncer le clou. Sur un coup bien placé, Carpentier tombe de nouveau. Il se tient la jambe et fait comprendre qu'il ne peut pas continuer le combat. Siki aurait touché le tibia de Carpentier, l'arbitre retient la faute et le disqualifie. Alors comme un seul homme, le public crie au scandale. Des Siki vainqueurs s'élèvent. Carpentier est porté jusqu'à son vestiaire sous les huées de la foule. Les juges se retirent pour délibérer. Et quand ils reviennent, ils déclarent Battling Siki vainqueur. Georges Carpentier vient de perdre tous ses titres. Et encore, si seulement on était resté là. Mais voilà qu'une rumeur commence à courir dans Paris. Le match aurait été truqué. Tout ça pour perdre, en plus. Ce cafouillage au résultat, et puis cette parodie de boxe, les premiers rounds. Là-dessus, Battling Siki décide de faire le malin, un gala. Spectateur, il monte sur le ring mettre la pression à un autre boxeur. La fédération le suspend. Une campagne de presse monte contre lui et finalement, on lui retire sa licence, carrément. Il est clair que, derrière l'affaire, en cette année 1922, c'est bien sûr de racisme dont il est question. Dans la France de l'Empire, voir l'idole tomber de son piédestal à cause d'un noir venu des colonies, on moque le style de Battling Siki. Un style de la jungle, championzé. Les insultes fleurissent. Ce que ne manque pas d'observer Blaise Diagne, le député du Sénégal, à la tribune du Parlement. Je ne peux pas demander au Parlement, qui n'est pas un tribunal de justice, de rétablir dans ses droits un homme qui doit gagner sa vie. Mais j'ai le droit, du haut de la tribune, de flétrir les hommes, quels qu'ils soient, dont la partialité est prise en flagrant délit. Parce qu'ils ont eu la faiblesse sur des racontars, de propos qui ne constituent que de la diffamation, de condamner un malheureux garçon sans l'avoir entendu. Je laisse aux tribunaux le soin de dire dans quelles conditions ces messieurs se sont à la fois joués du public pour le bénéfice de Carpentier, qui était devenu une industrie autour de laquelle tout un monde vivait. Et c'est ce monde, atteint dans ses intérêts, qui a frappé Siki. Pour se défendre, Battling Siki révèle qu'effectivement le match contre Carpentier était truqué. Carpentier, lui, mettra plusieurs décennies à le reconnaître. L'image du Français sérieusement écornée. Mais la suite des événements pour Baba Kinczycki est bien pire. Quelques années plus tard, il le retrouvait mort dans une rue de New York, tué par balle. Il avait 28 ans. Et bientôt, l'oubli recouvre l'histoire du premier champion du monde de boxe du continent africain. Carpentier, lui, refuse de finir là-dessus. Donc, il remonte sur le ring, quelquefois, pour redorer son blason. Finalement, en 1926, après environ 100 combats officiels, l'homme à l'orchidée tire sa révérence. Il a 32 ans. Mais il continue de côtoyer le Paris Monde, ami de Rému, Tristan Bernard, Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks. Music hall, projet de cinéma, soubresaut de l'histoire, Carpentier partout. Mais il perd la majeure partie de sa fortune qu'il avait laissée aux États-Unis lors du krach boursier de 1929. Et certaines actions tachent encore son image, comme un voyage à Berlin en 1942 pour promouvoir le sport. Et surtout, arrive Marcel Cerdan, la nouvelle coqueluche française de la boxe, qui emportera avec lui le souvenir de ce jeune gars du Nord, Carpentier, qui, le temps d'une jeunesse sur les rings, aura conquis le monde par la force de son talent. Affaires sensibles aujourd'hui, l'histoire de Georges Carpentier. Notre invité Stéphane Algéras, bonjour. Bonjour. Docteur en histoire contemporaine, auteur d'une passionnante biographie sur le sujet Georges Carpentier, c'est intitulé « Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star », livre publié au Nouveau Monde Édition en 2021. Et vous êtes par ailleurs chercheur associé au Centre Lucien Febvre à Besançon. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait croiser la route de Carpentier ? Bon, c'est de l'histoire, hein, le sport s'inclut dans l'histoire, c'est pas vraiment de la géographie, c'est un goût personnel ? Oui, c'est d'abord un goût personnel, une certaine passion pour la boxe, puisque j'ai pratiqué un peu la boxe anglaise. Et puis, je me suis intéressé très jeune au parcours de ces héros, ces gladiateurs du ring. Et en étant enseignant, j'ai repris, enseignant dans le secondaire, j'ai repris la recherche historique. Ça m'a conduit à cette thèse de doctorat en histoire contemporaine sur la figure de Georges Carpentier. Alors, puisque vous connaissez bien la boxe, au moins quand même une question sportive, pour vous, les grandes qualités de Carpentier, qu'est-ce qui en a fait un grand boxeur ? Ses résultats certes, mais comment ? Alors, un grand boxeur, c'est un boxeur qui a le sens de l'esquive, il incarne parfaitement la définition de l'excellence en boxe anglaise, c'est toucher sans être touché. Mmh. Carpentier est un escrimeur des poings. En témoigne son visage, hein. Il a pratiquement 100 combats professionnels, il est quasi intact, ce qui est énorme. Et cette excellence de la boxe, donc toucher sans être touché, c'est avant tout un travail, un sens du déplacement et une certaine boxe qui s'apparente quelque peu à une forme de danse. Donc la boxe est aussi un sport de jambes, évidemment. Absolument, c'est avant tout un sport de jambes. C'est avant tout un sport de jambes. D'ailleurs, quand on est un puriste en boxe, quand on est un amateur, on regarde avant tout les déplacements des boxeurs sur le ring, hein, plus que les coups de poing donnés. Parce que c'est avant tout une histoire de déplacement et les bons boxeurs effectuent de véritables chorégraphies sur le ring. Ouais, c'est comme D'où le nom de noblard, en fait, pour définir la boxe. C'est comme le tennis, hein. Si vous n'avez pas un bon jeu de jambes, vous avez beau avoir un coup droit ou un revers parfait, ça partira pas loin. Absolument. Alors, il est intéressant de voir aussi comment la boxe s'est construite à la fois comme sport, évidemment, et comme spectacle. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. On va à la boxe comme on va au music hall, au théâtre, voir du sport, spectacle. Et en plus, c'est assumé. Oui, c'est un sport-spectacle. Dans la boxe, ce qui va intéresser d'ailleurs beaucoup les hommes de lettres, hein, notamment à la Belle Époque, les dramaturges, les écrivains, c'est ce côté, cette mise en scène de la boxe. D'ailleurs, les premiers grands combats de boxe ont lieu dans des théâtres. Hein. Le théâtre Marigny va accueillir des rencontres de boxe. Ces hommes de lettres sont aussi intéressés par le spectacle de la potentielle tragédie. Parce que le combat de boxe, c'est aussi peut-être la mise en scène sur le ring de la mort en direct. Et ça, c'est ce qui va aussi, du moins, intriguer, fasciner, intéresser certains écrivains. Ouais. Alors, on se pose quand même une question concernant les amateurs de boxe. Parfois, des grands rendez-vous qu'on attend longtemps. Dur, il y en a, on a parlé d'un combat qui a duré 77 secondes. C'est très frustrant. C'est très frustrant, oui, mais il y a l'excitation. Il y a l'excitation avant combat. D'abord, il n'y a jamais qu'un combat dans une réunion de boxe. Hein, oui. Il y a plusieurs combats. Donc, on se déplace. Bien sûr, on attend ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent le main event. Hein, donc. Et quand cet événement dure moins d'un round, ben, il y a aussi tout le pré-combat hein, qui a suscité une énorme excitation, une tension. D'ailleurs, pour beaucoup de journalistes sportifs qui ont assisté à des grands événements sportifs, pas juste des combats de boxe, hein, peut-être une finale de Coupe du Monde ou une finale à Roland-Garros, le championnat notamment du monde des poids lourds en boxe anglaise, procure une excitation singulière, particulière, unique, je dirais. Hein, donc, ce n'est pas tant le combat qui va procurer cette excitation, c'est surtout l'avant-combat. L'avant-combat. Alors, dans tout cela, dans tout cet écosystème de la boxe, quelle place tient Carpentier ? Alors, à son époque, la place est majeure, on a compris, mais quelle place il tient dans l'histoire de la boxe, dans le souvenir de la boxe ? Et pas seulement pour les Français. Alors, dans le panthéon de la boxe mondiale... Oui, c'est ça, le panthéon, exactement. Je dirais que il y a deux Français qui ont marqué le panthéon de la boxe mondiale. Carpentier et Cerdan. Exact, absolument. Carpentier et Cerdan. Carpentier, il restera à jamais le premier boxeur français champion du monde de boxe anglaise. Et ça, c'est pas rien. Le premier boxeur français champion d'Europe de boxe anglaise aussi. Donc, à l'échelle nationale... C'est prestigieux. À l'échelle internationale, il y a ce fameux match que vous avez décrit, hein, Carpentier-Dempsey, ouais. Pour les Américains. C'est le premier grand combat du siècle, hein, un match où la recette au guichet va dépasser le $1 million, un match où il y aura plus de 80 000 spectateurs, comme vous l'avez rappelé, un match où on va construire une arène uniquement pour ce match. Alors, bien évidemment, Carpentier a marqué la mémoire de la boxe mondiale. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Stéphane Algéras, on parlait tout à l'heure de la possibilité de la mort en direct, sans aller jusque-là. C'est vrai que la boxe peut être un sport dangereux, plus que le golf en tout cas. Absolument. Par exemple. Et on va parler de l'évolution de ce sport en termes de sécurité, l'idée d'une boxe qui était encore plus difficile et violente hier. On écoute Georges Carpentier justement sur ce point. Net, j'entends par net un chaos propre. Un chaos qui, d'un coup, met l'homme les 10 secondes par terre, ça se voit encore dit très rarement maintenant. On voit des hommes aller par terre, se relever à 8, à 10, mais on voit rarement un chaos propre. Ben, cela est dû à ce que les coups sont moins bien appliqués, au moins bon endroit et moins bien étudiés. Oui, parce qu'un chaos pas propre, ça peut être même pas beau à voir, hein, une vraie violence. Qu'est-ce qui a changé en termes de sécurité dans la boxe ? Comment rendre ce sport c'est un sport de combat, ça doit rester un sport de combat, mais pas forcément hyper dangereux. Quoi. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit moins dangereux ? D'abord, le nombre de rounds s'est réduit. Hein, lorsque Carpentier boxe, donc au début du XXe siècle, c'est des matchs en 20 ou 15 rounds hein, la plupart du temps. Et puis, le poids des gants, on a rembourré en fait les gants pour justement que l'impact des coups soit moins brutal. Et ça, bien évidemment, ça réduit le risque de KO, hein, de knock-out, mais les boxeurs prennent peut-être davantage de coups. Alors, c'est ce que précise Carpentier dans l'archive, là. Hein. Alors, on donnait un coup... Donc avec un coup, le poids des gants était de 4 onces. Hein. Lorsqu'on prenait ce coup à la pointe du menton, on était KO. Aujourd'hui, avec des gants de 10 ou 12 onces, donc plus rembourrés, lorsque l'on donne peut-être un coup, ben, l'impact est moins brutal, donc on ne risque pas le KO, mais en revanche, le cerveau est ébranlé. Ouais. Donc on va remettre derrière des séries de coups, ce qui fait que c'est probablement plus dangereux que... un seul coup, un seul unique coup plus brutal. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans cette archive, c'est que Carpentier précise quelque part qu'à l'époque, il fallait véritablement savoir boxer dans le sens ne pas être touché pour s'en sortir. pouvoir percer. Ouais, en plus. Voilà, réussir dans la boxe, c'est avant tout, à l'époque, être un très bon boxeur. Aujourd'hui, on peut avancer en prenant beaucoup de coups, ce qui est peut-être plus dangereux. Alors tout de même, cette légende, cette histoire n'est pas toute rose. Il y a ce combat avec Batlin contre Batlin Siki, déjà un combat truqué. Est-ce qu'on peut l'affirmer ou est-ce que ça reste déconditionnel? Non, c'est une certitude. Le combat a été truqué, hein, c'est une combine manquée contre Batlin Siki. Ça entache bien évidemment la carrière de Carpentier, hein, qui est en responsable, mais il n'est pas le seul responsable dans cette histoire. C'est une histoire de combine manquée entre des managers, le manager de Carpentier, François Descamps, le manager de Batlin Siki, Charles Ehlers, et les deux boxeurs étaient au courant, Carpentier et Siki. Les deux étaient au courant de cette combine, ce qui s'est, en gros, pas passé, hein, c'est que Carpentier... Alors c'est grotesque, c'est... le match était truqué en faveur de Carpentier, mais il perd. Oui, absolument. C'est grotesque. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carpentier a eu peur d'être démasqué le jour du match, puisque Siki était piètre comédien. En fait, pour faire une exhibition de boxe devant 50 000 spectateurs, il faut quand même avoir l'habitude de ce qu'on appelle une exhibition, c'est-à-dire donner des coups en donnant une impression de combat. Mmh. Or, Siki est plutôt resté prostré dès le début du combat, et là, Carpentier va commencer à frapper Siki, donc à ne pas respecter l'engagement convenu, et Siki n'est pas le genre à se laisser taper sans répliquer. Il va donc lui aussi répliquer, ils vont se mettre à boxer, mais à ce petit jeu-là, Carpentier est nettement défavorisé puisqu'il ne s'est pas entraîné. Depuis mai 1922, son dernier combat en Angleterre, il n'a pas arrêté de faire la noce. Il a tourné dans un film. Il ne s'est pas entraîné et ça l'arrange quelque part de ne pas s'entraîner. Il en a marre de la boxe. Depuis sa défaite contre Dempsey, il rêve d'une retraite dorée. Ouais. Siki, quant à lui, c'est un challenger en pleine ascension. Il monte, il gravit les échelons. Bon, il est affûté, il est prêt. Son dernier combat remonte à juillet. Hein, le match contre Carpentier, c'est septembre. Jusqu'à son dernier combat, il s'est entraîné. Donc, bien évidemment, c'est ce qui va faire défaut le 24 septembre 1922 à Carpentier. Et on retiendra aussi de ce match, match truqué, l'ambiance raciste quand même. Le racisme est là. Il s'exprime. C'est le racisme ordinaire. C'est peut-être le pire de tous, inconscient, naturel. Oui, il y a une forme de racisme. De l'époque. Hein, bien sûr, une forme de racisme, mais a quand même relativisé. Moi qui ai épluché les journaux de l'époque, le lendemain du match, certes, il y a des clichés racistes qui circulent, mais ce n'est pas la majorité des journaux. La majorité des journaux encensent la nouvelle victoire de ce champion français, Batlin Siki. Il faut bien rappeler que le contexte de l'après-guerre, c'est un contexte où les soldats noirs ont participé à la Première Guerre mondiale. Hein, et quelque part... Les fameux tirailleurs sénégalais. Exactement, les fameux tirailleurs sénégalais. Et Siki est tout à fait légitime à l'époque. Et une grande majorité de la presse encense ce nouveau champion. Bien, merci infiniment Stéphane Algéras. C'est moi. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Georges Carpentier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.